Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 au cadran. Merveilleuse radio qu'on retrouve sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin, microphone, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir autour de nouveautés sonores et musicales, des nouveautés qui nous sont proposées par les plateformes de diffusion d'âme, ambiance, magnétique. Deux entités de la même famille qui se partagent un travail depuis de nombreuses années, travail de rayonnement qui aura donné un appui franchement incomparable à de très nombreux artistes et artisans de la scène des musiques nouvelles, actuelles ou encore des arts sonores. On soulignera d'ailleurs à la Sala Rossa le 26 mars prochain à Montréal ce travail de rayonnement, le travail entre autres de Joanne Etu. Donc ce soir, dans cette veine, je vous propose trois nouveautés à l'enseigne de voix engagées, de partitions graphiques et d'improvisation. On va entendre en fin d'émission un très bel album réalisé par le Susanna Hood Trio, un album jazzé inspiré de Steve Lacy. Puis, en milieu d'émission, un titre tiré du dernier album de Coral Joker, intitulé celui-là « Démantibulé », projet mené par Joanne Etu. Et on commence la soirée avec une belle parution intitulée celle-là « Le fil d'Ariane ». C'est un projet qui s'est mérité le prix Opus de la création de l'année en 2022-2023. C'est un album qui nous révèle les univers musicaux d'Elisabeth Millard, de Laura Cavana et de Daniel Palardy-Roger. Trois visions musicales et sonores magnifiquement interprétées en concert par les membres de l'ensemble Super Musique. Comme le raconte Daniel Palardy-Roger, plusieurs formes de partitions graphiques étaient au rendez-vous lors de ce concert pour orienter les instrumentistes. Montage de photos, dessins, peintures, vidéos et consignes d'improvisation. Sur ce, on va écouter une création intitulée « Le regard ». C'est de l'artiste multidisciplinaire Laura Cavana qui s'est inspirée, dit-on, d'une série d'images abstraites, jaillissantes et très colorées. On a fait ça de la manière suivante, dit-elle. Une image a été distribuée à chaque instrumentiste qui s'en inspirait pour jouer. Les couleurs, les détails et les formes variées de ces images ont créé le substrat à partir duquel la musique s'est développée. On raconte qu'il n'y avait pas de chef ni de chronomètre et la consigne quant à la durée de ces pièces était que le groupe devait trouver une fin naturelle après une quinzaine de minutes. Waouh, quel défi! Alors, on écoute cette création intitulée « Le regard de Laura Cavana ». Oh,

On vient d'entendre une création de Laura Cavana intitulée « Le regard ». C'est interprété en concert par l'ensemble Super Musique. Dans la foulée de cet album magnifique intitulé « Le fil d'Ariane », je vous fais entendre maintenant une création de la clarinettiste et compositrice Elisabeth Miller, pièce intitulée « Something Moving, Something Still ». Là, on est dans l'univers des partitions graphiques, puisque le résultat de ce qu'on va entendre résulte d'une partition vidéo divisée en trois mouvements assortis de consignes verbales. La vidéo est constituée d'images et de photographies provenant du quartier où Miller a grandi, à Perth, en Australie-Occidentale, et tout ça est combiné à des images du quartier Notre-Dame-de-Grâce où elle a vécu, à Montréal. Et ça donne franchement cette création qui oscille, comme dit le titre, entre le mouvement et la stabilité. « Something moving, something still ». Alors on écoute ça. Thank you. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Je suis de retour après un bref battement promo. C-K-R-L 89-1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Eh bien, on est de retour. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1 qu'on peut aussi écouter sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin, microphone. On se retrouve ce soir autour de nouveautés sonores du label diffuseur et distributeur d'âme, Ambiance Magnétique. Et je souligne en passant que d'âme et Super Musique souligneront la contribution de Johan Etu, contribution immense au rayonnement des nouvelles musiques dans un grand festin d'inventivité sonore à la Sala Rossa de Montréal. Ça se passe le 26 mars prochain. À compter de 20 heures. On raconte qu'un total de 18 musiciens et musiciennes participeront à cette soirée magnétique où vont résonner musique actuelle et jazz. Et c'est tout à fait dans cet esprit que je vous propose maintenant une création de la chorale Joker, l'ensemble de voix rattaché depuis quelques années maintenant, l'ensemble Super Musique. Le projet s'intitule Démantibulé. C'est écrit au masculin et féminin pluriel, un projet sous la direction de Joanne Etu, et oui, et qui explore l'expérience artistique à la lumière des déboires et des espoirs qu'on a connus bon, en temps de pandémie. Dans ce projet, nous raconte Daniel Palardy-Roger, Joanne propose un assemblage de sonorités, de grondements et d'acclamations inattendues en unissant sa chorale Joker à un quatuor d'instruments électroniques et un quintet avant. On va donc entendre ensemble une pièce intitulée « Détendre le mental », pourquoi pas, une invention de Joanne Etu qui explore les rituels sonores et textuels de la méditation engagée. Alors voilà, on écoute ça. Oh! est disloqué. Désaspaltés, désespoir, désaltérés, démunis, désenchantés, désagréables, dépossessions, démangeaisons, déminéralisés, démagnétisés, déloyales, défendables, décortiqués, désarticulés, désunis. Démesurément, démanché, décalissé, désastraté, désespoir, désaltéré, démuni, désenchanté. Désagréable. Dépossession. Démangeaison. Déminéralisation. Démagnétisé. Déloyal. défendable. Décortiqué. Désarticulé. Désuni. Démesurément. Démanché. Décalissé. Démantibulé. Vos muscles sont faits pour se rendre à l'envers. Vos muscles sont faits pour se rendre à l'envers. Vos muscles sont faits pour se rendre à l'envers. Vos muscles sont faits pour se relâcher. Vos muscles sont faits pour se contracter et non pour se relâcher. Eh bien, pour compléter l'émission, je vous fais entendre maintenant, dans un style assez différent, une magnifique nouveauté intitulée Unpacked, déballé, je traduis ça comme ça, c'est une parution du Susanna Hood Trio. On est évidemment du côté de l'expérimentation jazz et plus précisément dans l'univers du réputé compositeur Steve Lacy. Je déroge un peu à mon programme sonore habituel, mais les mots de Scott Thompson ici donnent du sens à la présentation de cet album. Quelques mois avant sa mort en 2004, Steve Lacy, en conférence à Montréal, répondait habilement à une question sur l'enseignement de la musique. Il suggérait de prendre de la distance avec la musique et mettre l'accent sur l'ensemble des pratiques artistiques évoquant au passage les œuvres du sculpteur Giacometti ou encore du peintre Braque. Il conclut avec un commentaire moqueur sur la tendance à enseigner la musique contemporaine en vase clos. Le jazz, dit-il, est supposément une forme d'art, alors si vous êtes des artistes, il faut aimer l'art. Voilà, alors pour Susanna Hood, l'initiatrice du projet, relever les défis que pose la musique de Steve Lacy est au fondement même de sa démarche musicale. Alors voilà, on écoute une pièce intitulée « The Melancholy Life of Woman », création qui comporte un texte poétique de Judith Malina. When first she learns that she is not a boy, and sooner or later it is born upon her that she is a girl. By one or by several men who protectors, destroyers, husbands and lovers, who fulfill for better or worse the degrees of whatever goes on between woman and man. Oh, Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des artistes Laura Kavanagh, Elisabeth Millard, Joanne Etu, Susanna Hood et toutes celles et ceux qui ont collaboré à ces nouveautés que vous retrouverez sur la plateforme Dame Ambiance Magnétique. Grand merci évidemment aux artistes, artisans ainsi qu'aux aux animateurs des plateformes de diffusion. Comme à l'habitude, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute, quand ça vous tente, à votre guise. Alors voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. Voilà, depuis les studios de CKRL, dans Limoilou, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. All of it sooner or later, over too soon or over too late, and she learns to submit to the